我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出。魅力演奏厅。 欢迎收听魅力演奏厅，我是古月。今天和你分享的是1997年柏林除夕音乐会开门之夜的现场录音，由阿巴多指挥柏林爱乐乐团演奏，演出的曲目包括歌剧《开门》当中的著名咏叹调、合唱、前奏曲，以及根据歌剧《开门》的主要旋律改编的小提琴与乐队作品《开门主题幻想曲》等。下面请连续欣赏。 jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te me prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Le cirque plein du automat. Les spectateurs, quel dans la tête. Les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe, puis étapage, poussée jusqu'aux à la fureur. Car c'est la fête du courage. C'est la fête des chants de cœur. Alors, on garde, alors, alors, alors. Toréador en garde, toréador, toréador, songe bien, oui, songe en combattant que l'œil noir te regarde et que l'amour t'attend, corps et ador. L'amour, l'amour t'attend. Corps et ador. On fait silence, quoi que se passe-t-il? Une cri s'élance, une cri s'élance, le taureau s'élance en vanissant, hors du toril. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Ah, bravo taureau, hurle la foule. Il vient, et frappe encore. En ce coup, se banderille, plein de fureur, il court, le cirque plein de sang. Oh, ce saut, oh, fraîchit le grille, c'est un tour maintenant. Allons, on carte, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Songe bien, oui, songe en combattant, que l'œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Toréador. Et sur cette étrange musique, les tingales. Prenez Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出。魅力演奏厅。 欢迎继续收听魅力演奏厅，接下来为您带出的是1994年意大利歌唱家帕瓦罗蒂在他的家乡罗德纳举办的帕瓦罗蒂与他的朋友们慈善音乐会的现场录音。 It's all decided for us. cielo e notte mie su mare. Mille finestre sfumano lontane. Luce una sola ancora, l'amore mio c'è sta. Un luogo ma tutte sere con novata e me saluta alle trema voce notte che pace dà notte che paie su me fa che Oh! che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca farà già una festa. Che bella cosa una giornata sole, malnato sole, che bello, oh sole mio, sarà fronte a te, oh sole mio, sarà fronte a te. Me viene quasi una malinconia sotto finestra poi arrestaria quando va notte o sole se ne scende. So Quando non sarei ancora